On entendit pendant 2 heures au roulement sourd des charrettes défilant vers les halles. Les carreaux blanchirent, un fiacre passa, puis une compagnie d'ânesses qui trottinait sur le pavé, et des coups de marteau, des cris de vendeurs ambulants, des éclats de trompettes. Tout déjà se confondait dans la grande voie de Paris qui s'éveille. Frédéric se mit en course. Il se transporta premièrement à la mairie pour faire la déclaration. Puis, quand le médecin des morts eut donné un certificat, il revint à la mairie dire quel cimetière la famille choisissait, et pour s'entendre avec le bureau des pompes funèbres. L'employé exhiba un dessin et un programme, l'un indiquant les divers classes d'enterrement, l'autre le détail complet du décor. Voulait-on un char avec galerie ou un char avec panache? Des tresses chevaux? Des aigrettes ovalées? Des initiales ou un blason? Des lampes funèbres? Un homme pour porter les honneurs? Et combien de voitures? Frédéric fut large. Madame d'Ambroise tenait à ne rien ménager. Puis, il se rendit à l'église. Le vicaire des convois commença par blâmer l'exploitation des pompes funèbres. Ainsi, l'officier pour les pièces d'honneur était vraiment inutile. Beaucoup de cierges valaient mieux. On convint d'une messe basse, relevée de musique. Frédéric signa ce qui était convenu, avec obligation solidaire de payer tous les frais. Il alla ensuite à l'hôtel de ville pour l'achat du terrain. Une concession de 2 mètres en longueur sur 1 de largeur coûtait 500 francs. Était-ce une concession miséculaire ou perpétuelle? Oh, perpétuelle, dit Frédéric. Il prenait la chose au sérieux, se donnait du mal. Dans la cour de l'hôtel, un marbrier l'attendait pour lui montrer des devis et plans de tombeaux grecs, égyptiens, mauresques. Mais l'architecte de la maison en avait déjà conféré avec madame. Et sur la table, dans le vestibule, il y avait toutes sortes de prospectus relatifs au nettoyage des matelas, à la désinfection des chambres, à divers procédés d'embaumement. Après son dîner, il retourna chez le tailleur pour le deuil des domestiques, et il dut faire une dernière course, car il avait commandé des gants de castor, et c'était des gants de filoselle qui convenaient. Quand il arriva le lendemain, à 10 heures, le grand salon s'emplissait de monde, et presque tous, en s'abordant d'un air mélancolique, disaient « Moi qui l'ai encore vu il y a un mois, mon Dieu, c'est notre sort à tous. Oui, mais tâchons que ce soit le plus tard possible. » Alors, on poussait un petit rire de satisfaction, et même, on s'engageait dans des dialogues parfaitement étrangers à la circonstance. Enfin, le maître des cérémonies, en habit noir à la française et culotte courte, avec manteau, pleureuse, brette au côté et tricorne sous le bras, articula en saluant les mots d'usage. « Messieurs, quand il vous fera plaisir. » On partit.